Pour commencer, vraiment, je tiens à remercier le Centre de recherche du Château de Versailles et le Centre des études supérieures de la Renaissance pour m'avoir invité à participer à ce colloque dont l'approche interdisciplinaire est vraiment passionnante. J'aimerais aussi exprimer ma gratitude à Jean Durand qui a senti les illusions musicales dans ma communication sur la fosse à Versailles au printemps dernier. Je remercie également Cécile Bonnaire qui a bien voulu m'introduire au séminaire du Centre de musique baroque l'été dernier et Anne-Madeleine Goulet qui m'a invité à participer à ce colloque aujourd'hui. Je leur suis reconnaissante de cette opportunité de présenter mes recherches. Je souhaitais commencer avec une gravure, par une gravure d'Abraham Bosse, Le Goût, qui fait partie d'une série du Cinq Sens gravée par l'artiste vers 1638. Théoricien engagé dans les années 1650-1660, autant que graveur, Bosse était un chroniqueur exemplaire de mœurs du milieu du XVIIe siècle. Dans cette estampe, comme sous vos yeux, un couple aimable et bien habillé se goûte la saveur d'un artichaut, légume qui était alors réputé pour ses vertus aphrodisiaques. L'homme tergiverse, car il préfère goûter son verre du vin, tandis que la femme touche déjà l'artichaut et saisit de l'autre main une serviette pour essuyer ses doigts délicats. Toute dans la scène, excusez-moi, révèle un intérieur soigné, depuis la décoration jusqu'au geste des domestiques. Sur la table, un chien avale sans façon une nourriture qui m'apparaît aussi délicieuse. Même si le goût est le sujet de l'estampe, Bosse ne manque pas l'opportunité d'indiquer les différences entre les attitudes bien élevées et les attitudes vulgaires, afin de mieux faire ressortir l'éducation des Parisiens. Bosse savait parfaitement que la notion du goût appartenant au domaine empirique des sensations peut être transposée dans un sens intellectuel. En 1649, il avait dirigé un bref traité intitulé Sentiments sur les distinctions des diverses manières de peinture, dessin et gravure et des originaux avec leurs copies. Ce traité était dédié à la nouvelle Académie de peinture et de sculpture. Malgré son contenu médiocre, ce livre était le premier manuel de ce genre en français. Son originalité provenait d'un glossaire du terme utilisé pour juger des œuvres d'art et surtout de la peinture, que Bosse avait ajouté à son texte. La première notice était redirigée ainsi. De la grande et riche manière du bon goût ne veut dire ou signifier autre chose qu'un tableau bien fait et suivant le goût aux opinions des plus savants peintres. Grâce à sa fréquentation avec les artistes et avec le marché de l'art, Bosse avait réuni la plupart des termes critiques appliqués à l'art. Il est révélateur que la notion du goût, bien qu'elle fût liée à la manière d'exécution, occupait déjà une position déterminante dans la terminologie naissante sur l'art. Pourtant, elle n'était pas encore émancipée de la notion de grandeur qui définissait la peinture d'histoire, ce qui, par conséquence, rattachait le goût à la hiérarchie des genres. En 1649, peu de temps après la création de l'Académie de peinture, le goût était une matière reconnue, comme le sous-entendu Bosse, et il pouvait être contrôlé par les artistes professionnels, ou qu'ils s'appelaient les pâtres savants. Donc, juste pour comparer sous vos yeux deux manières de prendre en banquette la cour et la ville. Le conflit entre les préceptes rationnels et les préceptes irrationnels en matière de théorie artistique qui caractérise l'âge classique a nourri la littérature artistique pendant environ 50 ans. Cette question a été débattue par tous les milieux intellectuels, des écrivains, des théologiens et des théoriciens comme Roger Despils, Dominique Bourg, Charles-Claude Perrault, mais aussi l'abbé Fénelon et André Philibien. La pratique de toutes les disciplines et les expériences croisées de musique, de littérature et de théâtre ont permis au goût de s'atteindre des centres d'intérêt mieux connus. D'ailleurs, le goût ne peut évoluer vers une catégorie esthétique particulière avant la mort de Louis XIV, comme l'a justement analysé Annie Beck dans son étude fondamentale sur l'esthétique en France. Elle montre que le goût, dans son rapport avec subjectivité et les sentiments, a pu s'affranchir au XVIIIe siècle, après le déclin du mécénat absolu, c'est-à-dire de Louis XIV. Mais j'insisterai que cette disparition du monopole du goût dans le contexte sociopolitique du règne de Louis XIV fut préparée par plus de 30 ans de débats intellectuels fournis, dont on trouve les démonstrations depuis les conférences d'André Philibien au 1669 jusqu'à réflexions critiques sur la poésie, sur la peinture par l'abbé de Bourg à 1719. Dans ces publications, jusqu'à la page de titre pour évoquer le plus célèbre traité. Dans ces publications, l'étude du goût est souvent intriquée avec d'autres notions applicables aux arts du dessin, de danse et du théâtre, comme l'ordonnance, les proportions, mais aussi la beauté, la nature, la grâce, la grâce, l'enthousiasme, le sublime, suggérant ainsi toutes les voies pour définir cette catégorie. Il faut noter que le goût est souvent abordé sous la forme d'entretien. Une conversation qui sous-entend que l'objet de la discussion est maîtrisé par les différents interlocuteurs fictifs. C'est la forme qu'ont pris le dialogue sur le coloris par Roger de Piles, les conversations sur la connaissance de la peinture par le même auteur, les entretiens de Ariste et Eugène par Dominique Bourg, et parallèle des anciens et des modernes par Charles Perrault. Ces conversations sur le goût ont permis de transcrire pour le public les différentes opinions et les différents jugements en la matière. Les portraits littéraires de connaisseurs de goût sont bien connus, mais les représentations de l'étude du goût sont rares. Il est révélateur que cette observation d'un public devient le sujet, l'enseigne de Gersaint, de Watteau, tableau qui met en évidence la rupture entre le règne de Louis XIV et la Régence. L'œuvre fut réalisée en 1721. Mais qu'est-il arrivé 20 ans plus tôt? Pour combler ce laps de temps, au moins provisoirement, je propose d'examiner les pratiques artistiques des artistes de l'Académie à la fin du XVIIe siècle, tout en regardant comme la question du goût est devenue importante dans les écrits théoriques de leurs contemporains. En l'absence virtuelle d'un cadre institutionnel qui aurait permis aux artistes de rencontrer leur public, le rétablissement du salon à 1699 et 1704 a joué un rôle crucial. Il est dû à l'initiative de l'architecte Gerardo Amasa, surintendant de l'Académie de peinture et de sculpture depuis 1699. Sous vos yeux, la gravure qui décrit le salon et la liste des tableaux et des ouvrages, c'est le prototype de catalogue des peintures exposées. Le contexte de ces expositions est bien connu par les livrets et des gravures décrivant l'accrochage des œuvres, une manière d'introduire le caractère hétérogène de la production artistique de cette période. Le salon de 1704 montre à l'évidence la sensibilité subtile aux nouveaux modes de représentation, le lyrique, le tragique et le sublime, que les artistes de l'Académie ont plutôt anticipé, plutôt qu'ils n'ont suivi le goût du public. Ce salon démontre aussi l'essoufflement de la hiérarchie des genres et de la peinture d'histoire, par conséquence, 10 ans avant que Watteau ne soit reçu à l'Académie avec une fête galante en guise de tableau de l'histoire. La peinture par François III, le festin de Didon est né, choisi pour le carton du colloque, a été exposée dans le même salon de 1704. Je voudrais maintenant analyser trois tableaux exposés au salon de 1704. Et je souhaite démontrer que le spectre du goût s'est justement élargi à ce moment. Cet salon, comme l'a parfaitement montré l'exposition organisée 2 ans avant récemment, 2012, par Dominique Brehm, a détruit la division strictement binaire des forces artistiques et donc du goût du public. L'aquarelle entre les poussinistes et rubinistes, parfois résumée du bord entre la primauté de la ligne contre celle de la couleur, eut autant d'influence sur l'un et l'autre camp, car les lignes entre les parties sont changées, les idées sont été échangées. L'idée que la direction de la fosse et l'élection de Depille comme conseiller honoraire en 1799 marque la victoire des Rubinistes dans l'histoire de l'Académie est réductrice. Elle néglige les nouvelles sensibilités dans la réception de la peinture comme la nation de je ne sais quoi, la grâce, la beauté, l'enthousiasme et le sublime, en traduit dans le critique de l'art par la critique logique et éthique. L'exemple de Roger Depille est particulièrement significatif ici. Anticonformiste à l'origine, Depille détourna la réception de la peinture du design centré sur le logos vers le coloris qui active les sens, prit une position doctrinaire lorsqu'il fut appelé de nouveau à la certitude de règles dans son discours inaugural prononcé à l'Académie en 1799. Le premier tableau que j'analyse ici n'était pas exposé au salon de 1704, où Jean Jouvenet montrait deux auteuils sur le sujet de Jésus-Christ descendu de la croix, qui était peint dans la mode tragique. Dans le cadre de cette intervention, par contre, je voudrais aborder la question de la grâce avec l'autre tableau par Jouvenet, notamment Louis XIV, guérit le scrofuleux. Dans les conversations sur la connaissance de la peinture, Pamphile, un des héros de Depille, exprime l'une des positions clés de la théorie de Roger Depille sur la peinture, à savoir le pouvoir de la peinture qui force le spectateur à la regarder. Je cite, « Sachez, mon cher Damon, que l'œil ne doit pas tant aller chercher le tableau, comme le tableau doit attirer l'œil et le forcer, pour ainsi dire, à le regarder. » Fin de la citation. Le verbe « attirer » Efforcé exprime une métaphore de l'action physique qui va à l'encontre de la fameuse phrase de Poussin « Il faut lire le tableau » qui proposait une délectation tranquille et intellectuelle de l'objet. Alors, comment l'œuvre d'un artiste reconnu, Jean Jouvenet, appartenant à l'Académie qui se proclamait de la tradition narrative des compositions de Poussin, pouvait tirer le spectateur et le farcer à l'entrée dans la composition? L'abbé Aligre, qui avait commandé Jean Jouvenet une scène de la guérison des malades après avoir touché pour roi pour l'abbatiale de Saint-Riquier, s'appuyait sur une iconographie clairement établie, que Jean Jouvenet s'est contenté d'animer pour répondre au goût du jour. La difficulté venait aussi de mélange des genres. Il s'agissait d'un tableau de dévotion qui penchait du côté du tableau d'histoire, puisqu'il présentait le monarque sacré dans une action historiquement particulière. Jouvenet n'a pas négligé les conventions. Le roi, du bout au centre du schéma vertical de la composition, touche les malades dans un geste solennel. Saint-Riquier, présenté du côté du roi, et puis l'action. Au premier plan, Jouvenet a réuni des pèlerins agenouillés, c'est très, très traditionnel, issus d'ordres différents. Au centre de la composition, Jouvenet n'a pas placé le roi, mais une petite fille, dont le visage lumineux rompt avec la scène erratique, tout en l'animant. Elle est vêtue d'une tunique blanche qui ne suggère aucune référence historique particulière, surtout en comparaison avec la robe de la femme qui l'entraîne. On pourrait la prendre pour une pèlerine ou pour un ange. Son visage revenant, encadré par des boucles blondes, attire le spectateur avec une force tendre mais décisive. La fille devient un simple attribut pictural, sans nécessité narrative. Mais on peut interpréter sa présence comme la figuration de la grâce, qualité qui ne répond pas à des règles aussi strictes que la beauté, et qui appartient plutôt à la nature intime de l'artiste selon Roger Depille. Cette grosse, reconnue, promue par Dominique Bourg, a inspiré à De Pulle une distinction entre la grâce et la beauté. La grâce est intime et naturelle, la beauté, c'est des règles, symptomatiques des exercices intellectuels de cette époque. Signe des sensibilités dans certains milieux sociaux différents du cercle du pouvoir. Le deuxième tableau est la dame au voile, ou le pèlerin de Santerre. Santerre a développé dans ce tableau le chiaroscuro tellement admiré par De Pulle. Il l'a mis au service d'un jeu de séduction du spectateur. La modèle n'est pas connue. Elle est repoussée dans l'espace pictural éloigné du spectateur par une barrière qui repose uniquement sur les changements de couleur, passant de l'opacité à la transparence et des demi-tons aux valeurs dominantes. En fermant l'accès au regard du spectateur, Santerre a joué de l'énigme du regard du modèle, mais sans intervenir dans son intimité, mais sans le protéger non plus. Ici, les yeux de cette beauté sans nom sont obscurcis par l'ombre du voile rabattu sur son front. Santerre a accru la distance entre son modèle et le spectateur en ajoutant un triangle de lumière dans l'encolure de son vêtement contre une structure dense de tons. La qualité féminine de coloris, délibérément couplée ici avec la nature énigmatique de la fémininité, et tous deux confirment le travail de l'artiste et son artifice. Dans le cinquième entretien d'Ariste et Eugène, Bourg relie la nature de je ne sais quoi à celle de l'artifice de manière très pertinente appliquée par Santerre. Je cite, « L'effort subtil et les qualités inexpliquées ne sont pas l'apanage de la nature. Le je ne sais quoi appartient à l'art aussi bien que à la nature. » Fin de la citation. La voir sur la tête du modèle est aussi une allusion au stratagème de Pâtre Timanthès, qui, selon Pline, avait couvert la tête de Agamemnon dans le sacrifice d'Iphigénie, car il se refusait à représenter en peinture l'extrême douleur du père. Les écrivains français, cela depuis Philibert jusqu'à l'abbé de Pau, ont souvent évoqué cette anecdote de Timanthès. Dans ce portrait, Santerre utilise le voile non pas pour renforcer la tragique, mais à des fins érotiques, afin d'éveiller la curiosité du spectateur. Malgré l'opacité de son regard, la femme transmet au spectateur l'anxiété à la fois douce et érotique, une sensation mélodieuse, comme une note de musique atteint l'oreille de l'auditeur sans qu'il puisse en reconnaître la trace. Ces nouvelles sensations mises en jeu ici dans le tableau n'impliquent pas le recours à la narration. On les trouve dans l'autre tableau par Santerre, aussi exposé à la même tableau. C'est pour comparaison, mais je n'ai pas le temps de faire la comparaison avec d'autres peintures. La curiosité, ici sous vos yeux. C'est le troisième tableau que j'analyse ici. L'artiste s'est arrêté sur un état psychologique rendu par deux femmes vues en demi-figure qui regardent un objet intéressant mais hors de la vue du spectateur. La palette de couleurs proche de la vénitienne, le fond de paysage, la lumière chaude qui se réfléchit sur les visages tout des plans de sous-entendus sans toutefois révéler la source de la curiosité. Des tableaux de genre hollandais qui présentent une structure comparable étaient nombreux dans les collections françaises de cette époque, mais Santerre a choisi d'introduire le spectateur dans une autre voie, celle du jeu d'esprit français, plutôt que la fable morale qui caractérise la peinture nordique. Fortier considérait la curiosité comme un désir, une passion de voir. Sa définition a défié le sens des néo-passions pendant le grand siècle, notamment par le bras qui avait codifié des passions comme des états émotionnels entraînant des contractions mécaniques des muscles fascieux. En revanche, la scène de gendre de Santerre ne donne rien à rencontrer, puisqu'il décrit un état d'esprit. La curiosité, en particulier ici, la curiosité féminine, était condamnable dans un terme religieux et social, mais plutôt savoureux d'un point de vue pictural. La curiosité de Santerre suggère alors que la peinture peut s'affranchir du sens moral, tout en continuant de susciter la curiosité du spectateur. Aussi, c'est important, la temporalité non résolue du regard de deux femmes agit comme un ornement rocaille qui croit en permanence sa propre imprécision temporelle avec une continuité spectre. Et le quatrième, je bouge vers le fond, vraiment. Assise Galatée, goûtant pour les thèmes, jouant une flûte. Fut le seul tableau qui Charles de la Fosse, directeur de l'Académie de peinture et ami proche de Pille, a exposé au salon de 1704. Cette œuvre marquait le retour de l'artiste à un thème de métamorphose de vide qu'il appréciait, à l'histoire triste de deux amants qu'il avait déjà représenté. La Fosse montrait aussi sa maîtrise des thèmes mythologiques, en particulier à sujet pastoral. L'histoire de Galatée était très populaire à la cour de Louis XIV, depuis que Jean-Baptiste Lully en avait fait le sujet d'un opéra donné en 1686. La Fosse est toujours très attentive au courant à la mode, spécialement en matière de musique, avait délibérément choisi un sujet qui explorait la concurrence entre musique et les arts. Enfin, de comparer la transcription de l'action en poésie et en peinture. On pourrait y voir une anticipation de la théorie de Lessing sur les arts statiques et les arts séquentiels. En même temps, La Fosse reprenait la paragonie humaniste sur la compétition entre les sens dans lequel la vue l'emportait sur lui. Il ne pouvait échapper au parallèle avec la pastorale héroïque de Louis, parce que, autant que l'opéra était justement repris au théâtre du Palais Royal en octobre de 1704. La scène du tableau exposée au salon s'inspirait d'une adaptation moderne des Métamorphoses, réalisée par Thomas Corneille en 1697. Les amants se traînent dans un angle de la composition, tandis que le géant monstrueux, amoureux de Galatée, les observe du haut de la colline, une flûte dans ses bras sauvages. L'eau qui jaillit du torrent correspond à l'image de vide, qui était la plus fidèlement transcrite par les poètes modernes de ce temps. Galatée rencontre elle-même l'histoire. Ensuite, il prend sa flûte à plus de 100 rouleaux. Et là, on joue, son son épouvante les yeux. On dirait qu'en effet, de grandes elles mugissent. Je vois la joie alors d'entretenir assise. Ce bruit sur une roche, nous étions assis. Nous vient frapper l'oreille et le plaisir d'attendre ce qu'il pouvait chanter d'amoureux et de tendre. Me rendre attentif à ce terrible son, sans en perdre un seul mot, je retends sa chanson. N'était-ce pas un véritable défi pour la peinture de représenter ce plaisir d'attendre une chanson frappante d'oreille et la stupeur causée par le plaisir d'écouter le terrible son? Dans la composition de La Fosse, ce trône des amants agit comme une diversion de l'effort tragique. S'abandonnant au plaisir d'écouter, le couple a oublié que cet air séduisant provenant de la fuite d'un barbare sauvage. La Fosse est figurée le ravissement des amants, le sens captivé, émergé dans la musique représentée dans l'art silencieux de la peinture. Leurs mains croisées, on va revenir à ça. Leurs mains croisées, une trouvaille très très poétique pour moi de La Fosse, symbolise l'harmonie, l'équilibre et la tranquillité. Le spectateur qui connaît bien la suite de l'histoire sait combien tout est temporaire. L'hypothèse selon laquelle le tableau de La Fosse constitue un avertissement des sites mettant en garde contre la séduction de la musique est corroborée par la référence explicite à Vénus qui jouait le luth et le joueur de luth. Vénus est le joueur de luth. C'est le tableau de Titien qui montre en compétition entre les arts. Ce tableau, conservé au Metropolitan Museum de New York, est l'une des pastorales qui Titien a donné un titre de poésie. La similitude entre la figure de Vénus et celle de la Galatée est évidente absolument. À cet égard, le choix de La Fosse était lourd de sens. il vérifiait la connaissance de la peinture vénitienne, toujours une grande question autour de la cour de Louis XIV, auprès du public français, des connaisseurs vers 1700, tout en lui rappelant les revendications des différents arts à attendre la beauté. Dans son œuvre, Vénus, comme Galatée, écoute la musique. Vénus est la référence de la beauté. Cette traduction en peinture, qui, comme de nombreux interprètes de Titien l'ont suggéré, est un argument en faveur de la promotion du sens de la vue pour percevoir et comprendre la beauté. Par certains côtés, la fausse abordant un argument similaire, voire plus complexe pour moi, en faisant allusion à un opéra contemporain, transcription moderne d'Ovid et à l'ancien précepte humaniste de la rivalité entre les arts pour entendre la beauté et l'harmonie. Je veux souligner la difficulté de cet argument purement visuel s'adresser au public moderne de 1700, capable de discerner les références croisées entre les différents arts, tout en étant saturé d'expériences émotionnelles diverses. Ancien élève de l'opéra, ami de Depile, la fausse travaillait dans les limites de cette tradition académique de la peinture d'histoire qui considérait la mythologie comme un réservoir d'histoire et d'intrigue littéraire. L'aspect littéraire du tableau de la fausse a la même qualité puisqu'il tendait de se mettre en, dans ce cas à mettre à l'égalité la peinture avec le logos et le mélos. Dans ses réflexions, Jean-Baptiste Dubois soutenait que le plaisir esthétique des rêves de pure émotion est trouvé leur origine dans une réaction subjective déclenchée par le contrat direct avec œuvre d'art. Contrairement à Bossuet et à Nicole, l'aspect moral et religieux du divertissement fondé sur le plaisir esthétique le touchait moins. Il voyait les plaisirs esthétiques comme une révélation nécessaire de l'âme des affaires quotidiennes. Les considérations théoriques du Dubois, publiées en 1719, ne résident pas uniquement dans ses pensées théoriques, mais aussi dans ses réflexions sur le développement de la vie artistique en France. Il faut donc lire les considérations de l'abbé Dubois en pensant aux pratiques artistiques de la fin de la règne de Louis XIV pour comprendre comment l'auteur savait que les distinctions entre les arts ne reposaient pas seulement sur les théories d'imitation définies par Aristote, mais qu'il prenait appui sur les rapprochements immédiatement particuliers pertinents entre les arts et l'émergence d'un nouveau public qui exigeait de nouvelles grilles de jugement esthétique dans la première décennie du XVIIIe siècle. Et la conclusion. Je crois que quatre tableaux exemplaires que je viens de vous présenter ne peuvent à eux seuls saisir tous les courants artistiques ni la dynamique du système de genre. Encore moins tous les changement subtil du goût du public vers 1700. Le renouveau du Salon du Louvre fut l'un des facteurs déterminants du changement dans la vision et la réception de l'art. La collection de l'art et l'autonomisation, je n'ai pas prononcé, c'est bien autonomisation du marché de l'art, compliqué davantage par le lien entre l'artiste et l'acheteur potentiel au moment où les problèmes financiers ont affecté les commandes royales dans les dernières décennies du règne de Louis XIV. Ainsi, les avancées de nouveau dans les nouveaux modes de peinture et les changements des sensibilités et du goût ne peuvent être complètement entendus que dans le contexte des commandes royales décoratives vers 1700. Comme le décor du Dôme des Invalides et la dernière chapelle du château de Versailles, qui ont obligé les artistes qui travaillèrent, comme La Fosse, Jouvenet, Opel et plusieurs autres, à repenser les principes des grands décors appris de Charles Lebrun. Pour compliquer un peu plus cette analyse, je suggérerais de prendre en compte les conférences à l'Académie de peinture et de sculpture des premières années du XVIIIe siècle, car c'était des indicateurs importants des réactions d'une institution royale face au changement du marché de l'art, institution qui voulait diriger, voire contrôler le goût du public. Les conférences qu'Antoine Campbell donna en 1721 étaient éloquentes et plutôt humanistes. En tant que le nouveau directeur de l'Académie, il tentait de réconcilier les désaccords passés entre défenseurs des dessins et des couleurs et réaffirmer le noble dessin de l'art de peinture. Il reflétait sûrement de la ligne institutionnelle quant au changement artistique au début des années de 1700. Il ne faut pas oublier quand même que les lettres optimistes d'Antoine Campbell à son fils sont exactement contemporaines de la scène de Gersaint de Watteau, ou tableau, où l'art de la peinture est évoqué explicitement comme une économie culturelle, sous forme d'échanges commerciaux. En même temps, le tableau évoque l'originalité de Watteau, artiste qui promeut le genre de la fête galante, sa narration, changement exemplaire du régime artistique dans les histoires de l'art postérieur. Voltaire voyait en Louis XIV le monarque qui n'a jamais failli ni dans le domaine politique ni dans le domaine culturel. Il considérait son règne comme une époque d'ordre et perfection au dehors du temps. Pourtant, même le goût du roi avait changé au cours de son règne. Avec l'âge, il avait préféré le sujet plus léger en peinture, y compris les scènes de gendre et les paysages. La modernité produit ses enthousiastes et ses pessimistes, c'est-à-dire ses admirateurs et ses détracteurs. Charles Perrault, l'un des plus fervents défenseurs, voyait justement dans le changement d'une époque le symptôme de la modernité, comme Lille l'a expliqué dans le préface du deuxième tome du Parallèle des anciens et des modernes. Je vous laisse lire la citation assez longue, mais je souligne la première ligne, qu'il n'y a rien que le temps ne perfectionne tous les jours. Donc, si l'on suit Perrault, l'enseigne de Gersaint, dans l'enseigne de Gersaint, l'assistant du marchand qui emballe le portrait de Louis XIV est un agent de la modernité et sa lutte perpétuelle pour la perfection du goût. Je vous remercie.